sera un drame. Nos seules armes sont nos sourires et nos larmes. Nos sourires et nos larmes. Caché derrière mon sourire, devant le regard des autres, mon cœur ne cesse de souffrir, mais ma vie n'est pas un désastre. Elle m'a donné des cartes, du coup je lâche des soupirs. Et tu sais, sous ce masque, j'ai la mine des mauvais jours. Des aujourd'hui man, il faut rester de marbre, ne montrer aucune faiblesse ou t'en prendre plein la vache. Mes forces de sourire et de rester sur mes gardes, sinon mes forces me délaissent. Et dans mes larmes, je bois la tasse. La joie nous fait défaut, du coup parfois s'en fait des fous. Je suis faux envers moi-même, je suis bien quand je suis sous. Et ça me fait perdre la tête. Un peu comme Zizou, alors je m'isole le temps que les larmes soient dissous. Le sourire sur le visage et la peine au cœur. La grisaille me fait la misère, je veux la paix, docteur. J'écris sous rancœur à force de souffrir. Donc je distribue au compte-gouttes mes larmes et mes sourires. La vie est faite de sourires et de larmes. Montre la moindre faille et tu essuieras un drame. Nos seules armes sont nos sourires et nos larmes. Ils ont touché l'artère, y'a du sang dans nos larmes. La vie est faite de sourires et de larmes. Montre la moindre faille et tu essuieras un drame. Nos seules armes sont nos sourires et nos larmes. Fais l'excapé, y'a du sang dans nos larmes. J'étais froid, fixe, le masque figé. Rien les séparer pour avancer, t'y es obligé. Si ça va pas, n'en parle pas, t'as un problème, ne le montre pas. Fais ce que t'as à faire, on se crée en esquivant les faux ou pas. Tes faiblesses, faut les garder pour toi. Sinon ces fils de pute s'en serviront contre toi, yeah. Faut devenir l'homme au masque de fer. Où ça finit à l'hosto, comme Patrick Devers. Sous le plafond de verre, on y vit tous les jours. L'être humain ne se nourrit pas que d'eau fraîche et d'amour. Il se nourrit de scandale et du malheur des autres. Maintenant tu comprends qu'il va rien montrer aux autres. Si tes sentiments se lisent au fond de tes yeux, les gens s'acharneront sur toi et te font péter les yeux. Ici bas, on s'attend toujours au pire. Donc je distribue au compte-gouttes mes larmes et mes sourires. La vie est faite de sourires et de larmes. Montre la moindre faille et tu essuieras un drame. Nos seules armes sont nos sourires et nos larmes. Ils ont touché l'artère, y'a du sang dans nos larmes. La vie est faite de sourires et de larmes. Montre la moindre faille et tu essuieras un drame. Nos seules armes sont nos sourires et nos larmes. Fais l'excapé, y'a du sang dans nos larmes. Hey, je vais te filer un tuyau d'enfer. J'avance, tête baissée, avec le visage glacé. Rindé par les gens, tu sais, j'en ai plus qu'assez. D'amour, des soucis et du mal qu'on m'a fait. J'reste droit et fort, toujours en mode jeune café, yeah. J'avance au quotidien avec un demi-masque, coupé en diagonale, seuls mes proches voient mon vrai visage. C'est comme ça que ça fonctionne, mec, il faut pas se leurrer. Et tu crois quoi, même les oiseaux se cachent pour pleurer. On est, on vit, on pleure, on rit, on rêve, on prie. On enquille les erreurs et la misère nous rend aigris. On est pris pour des lâches car nos larmes se déversent. On les disperse, on les cache quand la vie nous prive de dessert, yeah. Pour un mauvais regard, ça part en coup de chasse. On ne laisse rien passer pour esquiver les coups de grâce. Au fil du temps, on construit nos carapaces. Mais le jour où je partirai, j'aurai un sourire sur la face. La vie est faite de sourires et de larmes. Montre la moindre faille et tu essuieras un drame. Nos seules armes sont nos sourires et nos larmes. Ils ont touché l'artère, y'a du sang dans nos larmes. La vie est faite de sourires et de larmes. Montre la moindre faille et tu essuieras un drame. Nos seules armes sont nos sourires et nos larmes. Fais l'excapé, y'a du sang dans nos larmes. La vie est faite de sourires et de larmes. Montre la moindre faille et tu essuieras un drame. Nos seules armes sont nos sourires et nos larmes. Ils ont touché l'artère, y'a du sang dans nos larmes. La vie est faite de sourires et de larmes. Montre la moindre faille et tu essuieras un drame. Nos seules armes sont nos sourires et nos larmes. Fais l'excapé, y'a du sang dans nos larmes.